sur le 96.2, votre émission Groupe Tropical jusqu'à 16h30 avec le meilleur du son, bien sûr, comme tous les jeudis après-midi. Le meilleur du son qui nous vient de la Caraïbe. On va continuer comme ça avec un très, très, très bon album. Le tout dernier album du Lou, de Ludo avec Judo. Ah, oh, j'arriverai pas à lire le nom, décidément. Ludo avec le titre, j'avoue. Ça doit être le masque. Allez, très très bonne après-midi en ma compagnie. Chantal avec vous jusqu'à 16h30. sucre, tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. J'attends la nuit, fais les emparts. Je veux qu'on parle, faut quitter le bloc. Nos sentiments sont condamnés pour des 10 balles en bas du bloc. Je ne peux pas te perdre, mais t'as choisi la rue. Je te pardonnerai pas si je deviens mère ici. Bébé, tu nous tues pour des business de sup. Je te pardonnerai pas si je deviens mère ici. Sors la nuit quand t'es, je te sens menacée. Y'a pas que l'oseille, y'a ta destinée. Jolie bébé sans durci, je soignerai ton cœur sans souci. Jolie bébé sans durci, je soignerai ton cœur sans souci. Je te donnerai de toute façon rien que toi dans mes pensées. De nez dans tes affaires, l'avenir nous échappe. Dis-moi à qui la faut. Rien que toi dans mes pensées. T'as pas lâché l'affaire, même avec moi je t'aimerais. Ne sois pas comme les autres. Coco Chanel, Louis Vuitton, tu m'achètes ta Versace. Monnaie, je fais everyday. Et j'en fais autant que toi. Pour nous deux, je ferai attention. Tu me trompes, chanter Cendrillon. Choqué, j'enchaîne rotation. Y'a ma voix sur ta station. Ouais, ça c'est mon printemps. Dès que je criminelle. Du jeudi au samedi, en se parlant des haines. Y'a pas d'affaires sans but, ça vaut pas la peine. Un jour, je serai partie. Tu me verras ton story. Tu le savais depuis longtemps. J't'ai dit que je ferais pas semblant. Qu'ils sont là sans bébé. Je ne veux pas. Baby. De bon compas, c'est une nouveauté sur le 96.2. Bien sûr, vous aviez connu, reconnu bien le groupe Créola et c'est Payem. C'est parti. Allez-y, seulement, allez-y, seulement, allez-y, seulement, allez-y. ke ou pa jan mezi pye De aman mi bare wak tout de fom de reziye Pou nyan ou jwen yon lot ou gen tan bezwen exile De fè tout de fom de ba ou sa ou de exige Fò reflechi nan la vi sa Ou pa san tou fè toa pou la jou Ou fè neg la pase pou fami ou E pou dan se te menajou Ou te tem tan kon dirije Pourtant c'est où t'es piégé Marché à bande tout t'es régène Tout ça on fait mieux là où a payé Tellement bambine, vélo, bilolo Toujours sous bataille, sous mes kimono Sous parole en ville, sous des limielo Après des hommes connus, on guette des numéros Dans mon couleur, pour bateau Titanic Pour tout nos démons, esprit satanique Pour qu'on dit une alma et pour la malique Rapidement, mais sur ma vie, pas panique Brr. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Bibo, méchanceté, juste un frise pour l'homme, nigga. Le mal je programme, rentre ta lit, il fait exprès. L'idée m'irait même, c'est vrai, même pas bal respect. Les gonchons la j'y avais, tant que le tap poussé mal excès. M'aime pas chercher raison, mais je cherche les problèmes non. Ou c'est mon capi comprenne, moi d'ailleurs, nous dans le même domaine non. L'un pas des, m'bada, ils font tal, oui. Ils rêvent fâché, les lois m'en vidéo à baki. T'as fâché tout, oui. Au même qu'on y a duré d'eau, tout m'y s'est fâché pour t'être lié, ouais, ma bonne en vidéo. Ta lit font si calme, considéré fini d'eau. Mais il me manque, putain, pas vélo. Cherche en vidéo Qu'est-ce qu'on va comprimer Ça s'est déprimé Si on remet mon nom Tout bon c'est les coups éprimés Irez les métoiles Tout dans les pavlèmes ça Comme ça fait un choix Un amour à ses gars Ça triste Pour tout mon monde N'a rien où il faut quitter l'allée Dans mon monde des sacrifices Triste Pour tout mon monde N'a rien où il faut quitter l'allée Pour pas qu'il y ait problème Tout pour café Il rêve Mais c'est pas tout bagaille Qui vous n'a pas d'amour Le roi fait tout ça Mon nom va rêver Ou pas les donner Mwen vle pa la fon, mwen do pa do pou sa mfon Ba kon pou ki ou pa vle nan ne Ou pa pe explike moun an fon Fè ma let ou san ba wo Mwen la son men mwen ske tombe Ou kon tout mwen mene la fon Mwen kon nou ba fè la kè Sou sa sou mwen ki plombe Ba kon ki moun ki avon Ni kote li pra la fon Ti kon touye ma bin tombe Chéri t'en pri, rete Paske se te tron bo Mwen se prezant sou jan vim Se mwen vi plis don go Ensemble nous tapons en famille. Qu'on y a moins wow, les prenons l'autre direction. C'est dans le dialogue, nous cabine pis amis. Ou pas les balles avec des bougies trop discrétion. Ou elle fait mais ou qu'à comprendre ça, ma p'tit la zami. M'a pas de boule tourner juste parce que moi connais au la zami. A tout cas, moi fais le combat dans la vie. M'cause baille ma vie, là c'est baille, moi qu'on garde dans la vie. Ça triste, pour qu'on prenne mon nom, mais oui, puis vous quittez l'allée. L'amour pas des sacrifices, pour qu'on prenne mon nom, mais oui, puis vous quittez l'allée. Moi, pas de problème, tout mon café irait. Mais c'est pas tout bagaille, et on m'en a pas quoi. Léo a fait tout ça, mon n'a pas aimé. Il peut pas l'étendre, il est qu'elle a pas la voix. Franchement, ça Triste, pour mon nom, mais on est bien pour quitter l'allée. Bill. Tu es le soleil au monde, tourne autour de toi. Tu es le soleil qui brille en moi. Tu es le soleil, ma vie tourne autour de toi. J'ai fait un rêve idyllique qui me laisse un peu salé. Je n'ai pas de baguette magique, mais j'aime relaxer. Tu avais le corps chaud, je respirais ta peau. Sous les rayons magnifiques, le soleil à peine levé. Je sais que ça te semble utopique, mais c'est la vérité. Je me sens l'âme romantique depuis que je t'ai croisé. J'aimerais une seconde que l'on puisse se poser. S'effacer, tu n'as qu'un oui à prononcer. Tu es le soleil qui brille en moi. Le soleil qui brille. Tu es le soleil. Y'a comme une force magnétique qui me pousse à t'approcher. Je n'ai pas de super pouvoir, j'ai juste envie de croire que mon rêve est prophétique, il va se réaliser. Je te vois sourire, faire face aux empreintes. Je m'entends te dire que nous ne faisons qu'un. Ferme les yeux une seconde, fais un pas dans mon monde. C'est facile, tu n'as qu'à te laisser y aller. Tu es le soleil qui brille en moi. Le soleil qui brille. Tu es le soleil. Quand le jour se lève, toujours tu me souris. Tu éclaires mes rêves, tu règnes sur mes nuits. Quand le jour se lève, ta lumière me poursuit. Ta voix auprès de moi, toute ma vie c'est mon vœu. Et quand tu seras plus là, ici bas je ferai pas long feu. T'as remplacé mes peines par la joie, mon soleil de minuit. T'es ma vie, ma seule voix, ta présence me suffit. Je te le dirai encore une fois. Oh ma chérie, faut pas douter. Oui, c'est toi que je vais épouser. Oh, je serai toujours à tes côtés. Oui, toujours là pour t'épauler. Oh ma chérie, faut pas douter. Faut pas douter. On se laissera jamais. On se quittera jamais. On se perdra jamais. Jamais. On se laissera jamais. Ce mal-être, je l'ai vu disparaître. T'embellis mes souvenirs, baby. Je suis dans un océan de joie où ta voix me berce, me caresse devant. 14h30, 16h30. On se quittera jamais, on se perdra jamais. Oh, oh, oh. Je n'aime pas que tu crois que je te cache ou que j'ai honte de toi. Qu'on me pointe du doigt, malgré tout, malgré moi, je suis toujours là pour toi. À vrai dire, Choco, t'es le lâche qui sommeille en moi. J'ai critiqué, mais dans le fond, je suis comme me. Je suis ta femme, je te connais, je t'ai laissé le temps qu'il fallait. Annuler mon dîner pour ta cour, tous ces geôliers, il leur fallait. Je t'aime et je pense avoir fait ce qu'il fallait. Je ne peux vivre attaché, attaché, ma majesté. Comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. L'amour à un moment donné a un étrange goût amer. Fallait s'y préparer. Et si jamais tu viens à l'idée un jour de tout abandonner, pense au jour où tout allait entre nous. Complicité, la guérison pour l'abandonner entre nous. Pour ces deux femmes qui existaient, par qui tes relations nous prouvaient. Nous sommes ou à mal barré, par ma papa ou à dégradé. Y'a gardé sous qui ça m'a possédé. Musicien pas bon, yo dis même c'est vagabond, mais yo pas quoi l'amour, mais qu'un pour vous, yeah. Ce qui parmi tout me blesse, justice à double vitesse, à compter ce que tu détestes, mais tu es tout ce qu'il me reste. Ça paye bien les quêtes qu'il sait. abusé, rentre en misère. La liberté vaut mieux que l'esclavage. Pour la femme, pour la jambe, pour moi, nous qui sommes vivés par travail. Pas samedi au soir, moi si c'est vendredi, t'as gagné. On t'a point là-haut, t'es là, c'est bizarre. Maman et papa, je comprends, c'est quoi. Je vais chercher la menace, couper, n'aime le corps. Sans odeur, pas de sa capriole, c'est pas bon. Non, non, non, ou bien la pas ouais. Si chez lui, on met well souké, souké, souké, souké, souké, maman souké, mon well tremble, tremble, tremble, tremble, tremble, maman tremble. Arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil. Plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Tombé, qui me suspend dans mes dents, ça fait comme un bon dit. Oh, oh, oh, oh. L'entendez ma bantrée, toute la passe suspend belle. La m'a tourné la caille, ça cartonne ma sirène. Oh, Ken travay mwen tren tou fatike Mwen fin de zabi embeye pou mal manche Li bon nouvel pou ban mwen Ki pa tremble tou nan mwen Kon se de serye mti chéri mwen sou sa Mwen tim ke la prache se pati msa konya De mwen model pou ki sa Mwen ti Chéri mta kapitan Mwen konen son kapitan Nan mwen mande sa bifes Sou fèlè ma fè sa fèch Sa fè lantan lè ma mè Sa fè gè fè lè ma gè Kon pou vwa lò mè lè mitè Ma plage sa nan lè bon djè Oh oh Li tout dè kontrol lè ma mwè Gado mò vè news li ban mwè Li fèm fè Li fèm chò Mwen mande la skè li serye Pasèm bon se fè jwè la jwè Li gade E fil kriye Che li pa ka kapite Mwen konye son kapite Nan mwen mande sa bifes Mwen sou fane ba fè se fèch Sa fè mantan mwen mande San zè de fè yon mwen kè Kon pou vwa lò mwen limite Please listen carefully. Yeah. voulait qu'à imiter puis me la jette à taille. Femme ça c'est l'étamant de m'lore avec diamant batman. Par cas ce matin midi soir li à bambil. Ça fait si toutes amies moi y'a traité d'imbécile. Comme on j'ai le bois c'est un bel bagage ça pas foutu illégal. Tellement mauvais, même la police pour vite les balles. Quand mon se passe, yo team li bloqué toute ville. Pas besoin de faire li même seul, même les pomchik. Game bad guy. Game bad guy, game bad guy. Game bad guy. Ouais, mon chel chargé bad guy. Game bad guy. Et côté pour ton bagay. Game bad guy. His girl is a blessing, blessing a blessing. She give me the loving, loving a loving. She call me a loco boy, me a call her Angelina. Me tell her so she dangerous more than gasoline. From some of all natural, if you like better, else say pas some give you farewell, the bumble. Let my god help and do my way fly, cause what's up, you grab every time me make it humble. Shouting at every second, tell my son to blood, that's an appeal for your number. I ain't this girl, I fire, fire. Can you tell somebody, please tell them, yeah. Game bad guy, game bad guy, game bad guy. When Michelle charge, bad guy, game bad guy. Get good, they put no bad guy, game bad guy. We mums and charge, bad guy, game bad guy. Game bad guy, game bad guy, game bad guy, game bad guy. When Michel charge bad guy, game bad guy. Get caught the pump, bad guy, game bad guy, game bad guy, game bad guy, game bad guy. When Michel charge bad guy, game bad guy. Game bad guy, Mose chargé, chargé, chargé bagay nan men li. Mose chargé, chargé. Groupe Tropical, chaque jeudi, 14h-16h30. Penser à nous deux, je vois rien qui me fasse un peu souffrir. J'ai déjà fait mon vœu, j'attends que le bon Dieu veuille m'offrir d'aller. Nous deux ça n'a pas marché, nous deux ça n'a pas marché. Et pourtant c'est la première fois que je ne déteste pas un amour que j'ai perdu. Pourquoi nous battre pour rien? C'est tellement mieux de s'avouer vaincu. Pourquoi sans toi je suis si bien? On ne pouvait plus vivre ensemble. Pourquoi nous battre pour rien? J'allais nous battre pour rien. On va se sans moi t'es si bien. Vous deux, vous êtes tellement beau. Vous deux, vous visez tellement beau. Je serai là, non. Si un jour tu te maries, crois-moi, je serai là, non. Si devant Dieu tu te maries, je prierai pour toi, non. Je prierai pour toi, non. Et je danserai pour vous deux, vous deux, vous deux. T'étais si belle avec moi, mais tu l'es bien plus dans ses bras, lui. Et je te promets, j'ai pas mal quand je t'imagine allongé dans ses bras. Oh ma vie, c'est sûrement que je t'aime trop. C'est sûrement que je t'aime trop. Je t'aime tellement que peu m'importe que ce soit moi ou un autre. L'important c'est que tu souris. You love. Pourquoi nous battre pour rien? C'est tellement mieux de se prévenir. Pourquoi sans toi je suis si bien? C'est tellement mieux ensemble. Sans moi t'es si bien. Vous deux, vous êtes tellement beau. Vous deux, vous visez tellement haut. Tellement fort ensemble, ensemble. Vous deux, vous êtes tellement beau. Vous deux, vous visez tellement haut. Tellement fort ensemble. Donc si un jour tu te maries, crois-moi je serai là, non. Si un jour tu te maries, crois-moi je serai là, non. Si devant Dieu tu te maries, je prierai pour toi, non. Je prierai pour toi, non. Et je danserai pour vous deux. Vous deux, vous deux. Sucre, tout miel, elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Make a- Ou pas sans tout faire toi pour la joue. Ou faire négla passer pour famille. d'un temps qu'on dirige. Pourtant c'est où t'es piégé. Marcher avant d'être tout dirigé. Tout ça on fait mieux là où on fait. Tellement bon film, melo, bilolo. Tu joues sous bataille, sous mes petits monos. Sous parole, on dit sous belli mélo. Après des hommes qu'on est, on fait des numéros. Le monde coulé pour bateau Titanic. Tout nos démons, esprit satanique. On compte sur l'Alma et pour la Malik. Rapide, mon père, sur ma vie, pas panique. La FM en couleur. Méchanceté, juste un prise pour homme, nigga. Jonathan, Jonathan, Canis, Canis. Le mal je programme rentre ta lady fait exprès. Lady me lirait même, j'ai vrai même pas bal respect. Les gros gens l'agir à même temps que j'ai poussé mal excès. M'aime pas chercher raison, mais j'ai géré problème non. Ou c'est mon capi comprenne moi d'ailleurs nous dans même domaine non. L'un pas dis, m'pas da, li font dal oui. Li rive fâché, l'elle voit m'le vidéo ak baki. Da fâché doui. Bon mèm kou nyan viré dol. Pou mi se fâché pou tèk li wè ma bonan vidéo. Kalis font si calma, considéré m'vine do. Mais il me manque putain. La cherche en vidéo. Qu'est-ce que vous comprenez? Ça s'est déprimé. Si vous aimez mon nom, tout bon, c'est les coups éprimés. Irez les métoiles, tout en libre, même ça. Comme t'as fait un choix, un amour à ces gens. Ça triste, pour nous, mon nom, et vous avez vous quitté l'aller. Dans mon moment de sacrifice, triste, pour nous, mon nom, et vous avez vous quitté l'aller. Vous avez pas de problème, tout mon café, il est, mais c'est pas de bagaille que vous n'avez pas d'amour. Le roi fait tout ça, mon nom, et vous avez vous quitté l'aller. Je vais pas la voir, mon dopado pour sa forme, par mon bouc, il va bien donner. Ou pas expliquer mon affaire, fais ma lettre ou samba, ou la seule même risque est tombée. Ou prends tout le monde, la voir, mais qu'on n'a pas fait la guerre, ou ça sous moi qui plombe. Par contre, qui monde qui a voté, ni côté libre à la voir, dis que toi, il m'a bien tombé. Chérie, t'en prie, restez parce que c'était trop beau. Mais je présente son nom, il me baby, please don't go. Ensemble nous tapons, papi en famille. Qu'on y a moins wav, les prenons l'autre direction. C'est dans le dialogue, nous cabine bis amis. Ou pas les balaves, des bouguets trop discrétion. Ou elle fait, mais on va comprendre ça, ma p'tit ou la zami. M'a pas des boules tournées, juste parce que moi qu'on est en la zami. A tout cas, moi fais le comeback dans la vie. M'a cause bye, ma vive là, c'est bye, moi qu'on garde dans la vie. Ça problème, tout le monde a fait, mais c'est pas de bagaille.

trop peu de temps à vivre ici pour jouer cette tragédie. Si tu dois partir, je n'aurai pas la peine. S'il n'y a plus d'espoir aujourd'hui, pourquoi jouer cette comédie? Si tu dois partir, alors fais-le sans haine. Et la rage au vent, et si sombre était l'avenir. Et je t'ai vu lutter sans rémission aucune, pour le meilleur et pour le pire. Nos destins étaient liés comme dans une tragédie, avec une fin à la Shakespeare. Le dernier acte a sonné, simplement j'aimerais te dire, il y a trop peu de temps à vivre ici pour jouer cette tragédie. Si tu dois partir, je n'aurai pas de peine. S'il n'y a plus d'espoir aujourd'hui, pourquoi jouer cette comédie? Dans notre émission de groupe tropical, on aime bien les souvenirs comme ça, c'est une nuitée rare. On peut le trahir, plein de soleil. Des souvenirs, on va en avoir beaucoup cet après-midi, surtout à partir de 16h. Moi, je vous propose une grande plage compas rétro. En attendant, tiens, allez, un autre souvenir avec monsieur Luc Léandri. Ça tombe bien parce que c'est bien glacé. Des châteaux pour moi. Pâtissier lâcher, lâcher, lâcher, lâcher, lâcher, lâcher, lâcher, lâcher, lâcher, lâcher, lâcher, lâcher, lâcher, lâcher, lâcher, lâcher, lâcher, lâcher, lâcher, lâcher, lâcher, lâcher, lâcher, lâcher, lâcher, lâcher, lâcher, lâcher, lâcher, lâcher, Nous passons Dominique, nous passons cette nuit, tout le monde chantait. Nous passons terre de haut, nous passons terre de bas, tout le monde chantait. Nous passons la Guyane, nous passons Haïti, tout le monde chantait. Dis-moi, dis-moi, dis-moi, à qui t'es prêt? Dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, Ça qui passe, faut pas la garder ailleurs. Ça qui vive, faut pas la virer en l'air. Ça qui passe, faut pas la garder ailleurs. Ça qui vive, ça qui passe, faut pas la garder ailleurs. Ça qui vive, faut pas la virer en l'air. Ça qui passe, faut pas la garder ailleurs. Ça qui vive. Ça qui passe, faut pas la garder ailleurs. Ça qui vive, faut pas la virer en l'air. Ça qui passe, faut pas la garder ailleurs. Ça qui vive, faut pas la garder ailleurs. Ça qui passe, faut pas la virer en l'air. Oui papa, qui ça qui fait, faut pas la garder ailleurs. Oui. Get up man, get up, get up. Open your eyes. Ouvrez yeux, ouvrez yeux. Get up man, levez corps, levez corps. Open your eyes. En cette dernière demi-heure de votre émission Groupe Tropical, bah, c'en est une, enfin à moitié quand même. Hein. C'est un titre qui est sorti en il y a une quinzaine d'années, je crois. En tout cas, c'était Ricolosa pour tous les fanatiques. C'était Tipuel, un Tipuel remixé pour cette année 2021. Vas-y, vas-y. Pour tous les amateurs de bon compas, tout de suite sur le 96.2 dans votre émission Coupe Tropicale, on va retrouver par exemple Jequito, accolade de New York, Sugar Combo. Ah ouais, que des souvenirs, rien que pour vous. Allô, chérie, c'est toi. C'est votre émission Groupe Tropical jusqu'à 16h30. J'ai une proposition à faire. Et puis nous l'aimer en tout bon. Moi l'aimer sans comprendre que les nécessaires pour une parler à l'eau. Me même trouver l'indispensable pour une demander au poulet. Me rester quoi au grand mot pour dire. Où c'est ma voix, on est au souffert en ville pour lui. Où beauté de 9 mois, où balle naissance, éducation. C'est vraiment fou pour lui. Elle est là tout cœur. Ma grande qui savent tabac, pour lui garder heureuse. Je n'en tête moins pour lui. Sentiment pas pour lui. Je rêve pour la vie, mais t'as souhaité du moins. t'aime à la folie. Thank you. di nou verite, nou fè bon pou nou pa kontrol. Nou biton raye moun nan nou fè bon plo, pa vle wè. Se pou sa men, Jésus Christ de sakribye, pou nou te ka viv nan pou fè ak se men don la men. Se pa liches mok su, ki tout bien ou moun de la vi, se pou aksepte verite, men si fè ou ma. Non fè pa pou, non pa kompran. Nou pi kora yi moun, non fè pa plo, pa ble wè. Se pou sa men, Jésus prive sa privye. Pou nou te kabit nan pou kre ap se met dan la mè. Se pa riches fortu, ki tout bien ou moun de la vi. Se pou aksepte vekite, mèm si fè ou ma. Qui sont d'affaires, qui sont d'affaires, qui sont d'affaires, qui sont d'affaires, qui sont d'affaires. J'espère que je vous ai bien fait plaisir avec cette grande rétrospective de Coupal Direct. En tout cas, pour tous les fanatiques, je pense que oui. Moi, en tout cas, en particulier, ça fait du bien, hein, ce genre de choses. Hein. C'est complètement différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre, hein, sur les grandes radios commerciales et nationales, etc. etc. Spéciale musique caribéenne. En tout cas, moi, je vais vous quitter et vous retrouver jeudi prochain pour une nouvelle édition de votre émission Groupe Tropical. J'étais en train de chercher, ça va vraiment mal. Je vous souhaite à tous un très très bon après-midi, une très très bonne fin de semaine, un très très bon week-end. Allez, on fait le reste. Je vous fais à tous un gros bisou et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. C'est ça yo qu'a dit moi. Mais c'est quoi ça yo qu'a fait ça? C'est ça yo qu'a dit moi. C'est qui qu'a rapproché au café sans vie. Et puis vous pouvez faire un tour. La main à Jean-Claude. Vous pouvez mal parler à vous la bonne harmonique. Vous pouvez critiquer au moins dire. C'est qui qu'a rapproché au café sans vie. Et puis vous pouvez faire un tour. La bonne harmonique. Vous pouvez critiquer la bonne harmonique. Vous pouvez faire tes bras au moins dire. Ça fait. C'est ça yo qu'a dit moi. Mais c'est quoi ça yo qu'a fait ça? C'est ça yo qu'a dit moi. C'est ça yo qu'a fait ça. Mais c'est quoi ça yo qu'a dit ça? Mais c'est quoi ça yo qu'a dit ça? c'est gada ou mwen di ou pou fèm kompran ke yo se zami. A ou payon konfians, ou payon konfians, ou payon konfians, ou payon konfians, tout pou la loi. Payon konfians, ou payon konfians, payon konfians, ou payon konfians. En pa beba, yes I. La FM en couleur.